tout ce temps, c'était plus qu'un devoir et qu'elle t'aimait vraiment. Sentiment disloqué, d'un amour foudroyé, d'une jalousie mordante, à jamais débordante. Cheveux blancs, cheveux gris, au devant de ta vie, tu ne vois pas qu'elle a mal, ou tes yeux de chacal. Alors regarde un peu, que tout au fond de ses yeux, elle ne voit plus que toi, qu'elle a besoin de toi. Qu'elle ne voit plus que toi, qu'elle a besoin de toi. Tes insultes, tes cris la mettent plus bas que terre. Vos amours sont partis au-delà de la mer. Cheveux blancs, cheveux gris, au-devant de ta vie, tu ne vois pas qu'elle a mal de tes yeux de chacal. Alors regarde un peu, que tout au fond de ses yeux, elle ne voit plus que toi, qu'elle a besoin de toi. C'était vraiment l'amour et qu'elle t'aime pour toujours. Elle se bat contre toi pour te dire qu'elle a mal, mais qu'elle garde la foi pour être ton idéal. Cheveux blancs, cheveux gris, au devant de ta vie, tu ne vois pas qu'elle a mal de tes yeux de chacal. Alors regarde un peu, que tout au fond de ses yeux, elle ne voit plus que toi, qu'elle a besoin de toi. Mais c'est trop tard, tu l'as laissé partir et t'as rien fait.